Ton amour m'a fait du bien. Ta puissance a brisé mes liens. Je suis sorti vainqueur de l'épreuve, car ton amour a fait ses preuves. Ton amour m'a fait du bien. Ta puissance a brisé mes liens. Je suis sorti vainqueur de l'épreuve, car ton amour a fait ses preuves. Laisse-moi chanter, ton amour est là. Je crierai partout, ton amour est grand. Laisse-moi chanter, ton amour est là. Je crierai partout, ton amour est grand. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait. Ma décision, c'est de rester toujours attaché à ton amour. Pour qu'en ces jours, je me retrouve devant toi, te chanter pour toujours. Ma décision, c'est de rester toujours attaché à ton amour. Pour qu'en ces jours, je me retrouve devant toi, te chanter pour toujours. Laisse-moi chanter, ton amour est là. Je crierai partout, partout ton amour est grand. Laisse-moi chanter, chanter ton amour est là. Je crierai partout, partout ton amour est grand. Ton amour est là, ton amour m'a fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Je ne m'éterrai point, ton amour, je le dirai. Du bien. Tu m'as fait du bien. Ton amour m'a fait du bien. Mon péché est pardonné. Ton amour m'a fait du bien. Bien. Ton amour m'a fait. Tu m'as fait du bien.